بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence, inshallah ta'ala, le cours numéro 19 dans l'explication des règles du mariage tiré du livre Manhaj al-Salikin wa tawdih al-fiqh fi al-din de l'imam al-Sa'di rahimahullah. Aujourd'hui donc un nouveau chapitre, ou du moins, oui, un nouveau chapitre, Kitab al-Sadaq, le chapitre concernant, le chapitre lié à la dot. En réalité, ce chapitre, il aurait pu être intégré dans le chapitre précédent et être un sous-chapitre. Mais l'auteur, il a fait deux chapitres distincts entre le chapitre du mariage et le chapitre de la dot. Et donc la dot, qu'est-ce que c'est? La dot, c'est ce qui va être donné, ce que l'homme va donner à l'épouse, de manière obligatoire pour le mariage. Il y a plusieurs preuves qui montrent que la dot est obligatoire. Parmi celles-ci, il y a la parole d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, wa atun nisa asadu qatihinna nihla. Et donner aux femmes leur dot. Donner aux femmes leur dot. Il y a aussi la parole d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et donc, mariez-les avec la permission de leur famille et donnez-leur leur salaire. Ici, c'est leur dot. Donnez-leur, donc, leur dot de manière convenable. Et d'ailleurs, il y a un hadith très important qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith dans Sahihayn, qui stipule qu'une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit: Jitu ahabu nafsi lak. Et donc, je suis venue me donner à toi. Fa qamat tawilan, elle est restée longtemps la femme. Fa nadhara ilayha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a alors regardé cette femme de haut en bas, il l'a regardée. Et ensuite, dans certaines narrations, il est cité lorsque la femme elle est restée longtemps comme cela, au bout d'un moment, elle s'est assise. Alors là, un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Zawijniha in lam takun laka biha haja. Il a dit: donne-la-moi en épouse si toi tu n'en as pas besoin. Dans une narration, il fut dit que le prophète, justement, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit: je n'ai pas besoin de mariage en ce moment. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à cet homme: Indaka shay'un tusdiquha. Est-ce que tu as quelque chose que tu peux lui donner en dot? Qala la. L'homme a dit: non, je n'ai pas. Qala unzur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherche. Et c'est là qu'on voit que c'est obligatoire. La dot est obligatoire. Le prophète, il lui a dit: cherche. Fa dhahaba thumma raja'a. L'homme, il est parti, il a cherché, ensuite il est revenu. Il a dit: Wallahi in wajadtu shay'an. Il a dit: par Allah, je n'ai rien trouvé. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit: izhab faltamis walaw khataman min hadid. Le prophète, il lui dit sallallahu alayhi wa sallam: va et cherche même ne serait-ce qu'une bague en fer. Une bague en fer, ce n'est pas cher, ça n'a pas de valeur. Une bague en fer, ça n'a pas une grande valeur. Alors l'homme, il est parti, puis il est revenu. Il dit: la wallahi wala khataman min hadid. Non, par Allah, je n'ai trouvé même une bague en fer, je n'ai pas trouvé. Et cet homme, il avait sur lui un izar, mais il n'avait pas de rida. Le izar, ça va être donc le tissu que l'homme va mettre autour de sa hanche et de ses jambes pour protéger donc sa aura. Et donc, et il va l'utiliser. Donc le izar qui est censé donc couvrir donc au minimum du moins du nombril jusqu'en dessous des genoux. Et donc l'homme il n'avait que ça, il n'avait pas de rida. Le rida c'est ce qu'on va poser, c'est justement le tissu qu'on va poser sur les épaules pour couvrir le torse. Et donc il avait un izar mais il n'avait pas de rida. Alors il a dit cet homme: usdiquha izari, je lui donne mon izar. je lui donne mon izar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, izaruk in labisathu lam yakun alayka minhu shay wa in labistahu lam yakun alayha minhu shay. Le prophète lui a dit, ton izar, si elle le porte, toi tu n'auras rien à mettre sur toi. Et si toi tu portes le izar, au final, alors elle n'aura rien. Puisque au final, si tu lui donnes un izar pour que c'est toi qui le porte, tu ne lui auras rien donné. Et si tu lui donnes un izar qu'elle va porter, qu'elle va utiliser, et toi, alors toi tu vas te retrouver sans rien. Et donc tu ne peux pas lui donner ton izar. Alors à ce moment-là, l'homme il s'est assis par terre. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu sa situation, que ça lui faisait mal, alors il l'a appelé. Il l'a appelé. Parce que cet homme s'était écarté. Il s'est écarté, ensuite il s'est assis. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Ma ma'aka min al-Qur'an. » Qu'est-ce que tu mémorises du Qur'an ? L'homme, il a dit, « Surat kaza wa kaza, telle et telle surat. » Il a cité plusieurs surat qu'il mémorise. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, « Qad mallaktuka bima ma'aka min al-Qur'an. » Je te la donne par ce que tu mémorises du Qur'an. Il y a dans ce hadith, barakallahu fikoum, beaucoup de leçons profitables. Et je pense qu'il serait bon, qu'il est correct de citer quelques-unes de ces leçons avant de rentrer dans le vif du sujet. Parmi les leçons de ce hadith, comme on a vu précédemment, le fait qu'il est obligatoire de donner la dot à la femme, donc pour le mariage, et ceci est un sujet d'unanimité. Parmi les leçons de ce hadith, il y a le fait que l'homme, il lui est permis de regarder une femme concernant le mariage. Lorsque ça concerne le mariage. Ici, cette femme, elle est venue se donner au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, il a regardé de haut en bas, jusqu'à ce qu'il prenne sa décision. Et aussi, dans ce hadith, on voit que il est permis à une femme de se donner au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se marie avec elle, sans pour autant lui donner de dot. Voilà ce qui est voulu ici. D'accord ? Voilà ce qui est voulu ici. Lorsque la femme vient se donner au prophète, c'est qu'elle devient sa femme, sans pour autant que lui, il ne donne de dot. Ça, c'est permis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de manière spécifique à lui, pas aux autres croyants. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il cite les femmes qui sont licites au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi, « Wa mra'atan mu'minatan, iz wahabat nafsaha lil-nabi, in arada al-nabi an yastankihaha, khalisatan laka min duni al-mu'minin, qad alimna ma faradna alayhim fi azwajihim. » Et donc, une femme croyante qui se donne au prophète, si le prophète voulait la prendre pour épouse, et ceci de manière spécifique pour toi, et non aux croyants. Certes, nous savons ce que nous leur avons imposé concernant leurs épouses. Et donc ici, on voit clairement que ceci est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est un sujet d'unanimité. Toyib, on continue. On voit aussi dans ce hadith, barakallahu fikoum, le sujet de la dot. La valeur de la dot. Il faut savoir que les savants sont unanimes sur le fait qu'il n'y a pas de seuil maximal concernant la valeur de la dot. Il n'y a pas de seuil maximal. Mais maintenant, ils ont divergé concernant le seuil minimal. Ils ont divergé concernant le seuil minimal. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala. Concernant le seuil maximal, la dot, elle peut atteindre une grande somme. Allah Azza wa Jal, il dit, « Wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin, wa qad ataytum ihdahunna qintara, fala ta'khudhu minhu shay'a. » Et lorsque l'un d'entre vous veut échanger une femme contre une autre, il veut divorcer une femme pour se marier avec une autre, alors qu'il lui a donné un qintar. Qintar, c'est une somme énorme. Une somme énorme. Alors qu'il ne prenne rien de cette somme. Lorsqu'il divorce cette femme, il ne prend rien de cette somme. Et donc il est permis que l'homme donne une somme énorme à une femme pour une dot. C'est permis. Tayyib. Et concernant donc le seuil minimal, on a dit donc que les savants, ils ont divergé. Et donc l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ils voient que effectivement la dot, elle a un seuil minimal. On ne peut pas descendre en dessous. Mais l'avis le plus juste est que la dot n'a pas de seuil minimal. La dot n'a pas de seuil minimal. Et la preuve de cela, ce hadith. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à cet homme, est-ce que tu as quelque chose à lui donner en dot, comme dot? Il n'a pas cité une valeur minimale, quelque chose. Il lui a dit, va chercher ne serait-ce qu'une bague en fer. La bague en fer, elle n'a pas de valeur. Ce n'est pas cher une bague en fer. Ce n'est pas quelque chose d'une grande valeur. Et donc l'avis le plus juste, barakallahu fikoum, l'avis de l'imam Shafi'i Ahmed, est que la dot n'a pas de seuil maximal, n'a pas de seuil minimal, de la même façon qu'elle n'a pas de seuil maximal. Tayyib. On voit aussi dans ce hadith qu'il est permis que la dot soit un service. Ça aussi, c'est un sujet de divergence. Certains savants voient que la dot ne peut être qu'un bien, argent ou un autre bien qu'on peut vendre, etc. Mais ils voient que c'est spécifique. Et d'autres savants voient qu'effectivement, on peut avoir un service. Donc ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a marié cet homme à cette femme, par rapport à ce qu'il mémorise du Coran, pour qu'il enseigne ce qu'il mémorise du Coran à cette femme. Et donc, ça c'est important. Ça c'est important, barakallahu fikoum, mais ça, on le verra, on va détailler un peu plus concernant ce sujet, inshallah ta'ala, à partir de demain. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا